Wahid al-Ousri, président du Parti socialiste arabe d'Égypte, a publié le 19 un entretien contre le crime inhumain d'enlèvement collectif des citoyennes nord-coréennes commis par les autorités sud-coréennes.